Jetzt sind wir live dabei von der Miedem in Cannes. Heute Abend zu Gast bei uns im Rockpalast, a European-wide exclusive television performance. Nous sommes heureux à vous présenter au Rockpalast un grand personnage en direct du Miedem 86 à Cannes. Mesdames et messieurs. Ladies and gentlemen, would you please welcome Pete Townsend in the deep end with special guest David Gilmour.